Chapitre 5 Explication de la messe. Il y a un argument si simple et si naturel en faveur des cérémonies de la messe que l'on ne conçoit pas comment il est échappé aux catholiques dans leurs disputes avec les protestants. Qu'est-ce qui constitue le culte dans une religion quelconque? C'est le sacrifice. Une religion qui n'a pas de sacrifice n'a pas de culte proprement dit. Cette vérité est incontestable, puisque chez les divers peuples de la terre, les cérémonies religieuses sont nées du sacrifice, et que ce n'est pas le sacrifice qui est sorti des cérémonies religieuses. D'où il faut conclure que le seul peuple chrétien qui est un culte est celui qui conserve une immolation. Le principe étant reconnu, on s'attachera peut-être à combattre la forme. Si l'objection se réduit à ces termes, il n'est pas difficile de prouver que la messe est le plus beau, le plus mystérieux et le plus divin des sacrifices. Une tradition universelle nous apprend que la créature s'est jadis rendue coupable envers le Créateur. Toutes les nations ont cherché à apaiser le ciel. Toutes ont cru qu'il fallait une victime. Toutes en ont été si persuadées qu'elles ont commencé par offrir l'homme lui-même en holocauste. C'est le sauvage qui eut d'abord recours à ce terrible sacrifice, comme étant plus près, par sa nature, de la sentence originelle qui demandait la mort de l'homme. Aux victimes humaines, on substitua dans la suite le sang des animaux. Mais dans les grandes calamités, on revenait à la première coutume. Des oracles revendiquaient les enfants même des rois. La fille de Jephthé, Isaac, Iphigénie, furent réclamées par le ciel. Curtius et Codrus se dévouèrent pour Rome et Athènes. Cependant, le sacrifice humain dut s'abolir le premier, parce qu'il appartenait à l'état de nature, où l'homme est presque tout physique. On continua longtemps à immoler des animaux, mais quand la société commença à vieillir, quand on vint à réfléchir sur l'ordre des choses divines, on s'aperçut de l'insuffisance du sacrifice matériel. On comprit que le sang des boucs et des génisses ne pouvait racheter un être intelligent et capable de vertu. On chercha donc une hostie plus digne de la nature humaine. Déjà les philosophes enseignaient que les dieux ne se laissent point toucher par des hécatombes et qu'ils n'acceptent que l'offrande d'un cœur humilié. Jésus-Christ confirma ces notions vagues de la raison. L'agneau mystique, dévoué pour le salut universel, remplaça le premier-né des brebis. Et à l'immolation de l'homme physique fut à jamais substituée l'immolation des passions ou le sacrifice de l'homme moral. Plus on approfondira le christianisme, plus on verra qu'il n'est que le développement de lumière naturelle et le résultat nécessaire de la vieillesse de la société. Qui pourrait aujourd'hui souffrir le sang infect des animaux autour d'un autel et croire que la dépouille d'un bœuf rend le ciel favorable à nos prières? Mais l'on conçoit fort bien qu'une victime spirituelle, offerte chaque jour pour les péchés des hommes, peut être agréable au Seigneur. Toutefois, pour la conservation du culte extérieur, il fallait un signe, symbole de la victime morale. Jésus-Christ, avant de quitter la terre, pourvut à la grossièreté de nos sens qui ne peuvent se passer de l'objet matériel. Il institua l'Eucharistie, où, sous les espèces visibles du pain et du vin, il cacha l'offrande invisible de son sang et de nos cœurs. Telle est l'explication du sacrifice chrétien, explication qui ne blesse ni le bon sens ni la philosophie. Et si le lecteur veut la méditer un moment, peut-être lui ouvrira-t-elle quelque nouvelle vue sur les saints abîmes de nos mystères. Chapitre 6 Cérémonie et prière de la messe. Il ne reste donc plus qu'à justifier les rites du sacrifice. Or, supposons que la messe soit une cérémonie antique, dont on ouvre les prières et la description dans les jeux séculaires d'Horace ou dans quelques tragédies grecques. Comme nous ferions admirer ce dialogue qui ouvre le sacrifice chrétien. Je m'approcherai de l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Faites luire votre lumière et votre vérité. Elles m'ont conduit dans vos tabernacles et sur votre montagne sainte. Je m'approcherai de l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. je chanterai vos louanges sur la harpe, ô Seigneur. Mais, mon âme, d'où vient ta tristesse, et pourquoi me troubles-tu ? Espérez en Dieu, etc. Ce dialogue est un véritable poème lyrique entre le prêtre et le catéchumène. Le premier, plein de jours et d'expérience, gémit sur la misère de l'homme pour lequel il va offrir le sacrifice. Le second, rempli d'espoir et de jeunesse, chante la victime par qui il sera racheté. Vient ensuite le confiteor, prière admirable par sa moralité. Le prêtre implore la miséricorde du Tout-Puissant pour le peuple et pour lui-même. Le dialogue recommence. « Seigneur, écoutez ma prière, et que mes cris s'élèvent jusqu'à vous. » Alors le sacrificateur monte à l'autel, s'incline, et baise avec respect la pierre qui, dans les anciens jours, cachait les os des martyrs. Souvenir des catacombes. En ce moment, le prêtre est saisi d'un feu divin. Comme les prophètes d'Israël, il entonne le cantique chanté par les anges sur le berceau du Sauveur, et dont Ézéchiel entendit une partie dans la nuit. Gloire à Dieu dans les hauteurs du ciel, et paix aux hommes de bonne volonté sur la terre. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons, roi du ciel, dans votre gloire immense, etc. L'épître succède au cantique. L'ami du Rédempteur du monde, Jean, fait entendre des paroles pleines de douceur, où le sublime Paul, insultant à la mort, découvre les mystères de Dieu. Prêt à lire une leçon de l'Évangile, le prêtre s'arrête et supplie l'Éternel de purifier ses lèvres avec le charbon de feu dont il toucha les lèvres d'Isaïe. Alors les paroles de Jésus-Christ retentissent dans l'assemblée. C'est le jugement sur la femme adultère, c'est le Samaritain versant le baume dans les plaies du voyageur. Ce sont les petits-enfants bénis dans leur innocence. Que peuvent faire le prêtre et l'assemblée après avoir entendu de telles paroles ? Déclarer sans doute qu'il croit fermement à l'existence d'un Dieu qui laissa de tels exemples à la terre. Le symbole de la foi est donc chanté en triomphe. La philosophie, qui se pique d'applaudir aux grandes choses, aurait dû remarquer que c'est la première fois que tout un peuple a professé publiquement le dogme de l'unité d'un Dieu. Credo in unum Deum. Cependant, le sacrificateur prépare l'hostie pour lui, pour les vivants, pour les morts. Il présente le calice. Seigneur, nous vous offrons la coupe de notre salut. Il bénit le pain et le vin. Venez, Dieu éternel, bénissez ce sacrifice. Il lave ses mains. Je laverai mes mains entre les innocents. Oh, ne me faites point finir mes jours parmi ceux qui aiment le sang. Souvenir des persécutions. Tout étant préparé, le célébrant se tourne vers le peuple et dit « Priez, mes frères ». Le peuple répond « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice ». Le prêtre reste un moment en silence. Puis, tout à coup, annonçant l'éternité, « Per omnia secula seculorum », il s'écrie « Élevez vos cœurs !» Et mille voix répondent « Habemus ad dominum !» Nous les élevons vers le Seigneur. La préface est chantée sur l'antique mélopée ou récitatif de la tragédie grecque. Les dominations, les puissances, les vertus, les anges et les séraphins sont invités à descendre avec la grande victime et à répéter avec le cœur des fidèles le triple Sanctus et l'Hosanna éternel. Enfin, l'on touche au moment redoutable. Le canon, où la loi éternelle est gravée, vient de s'ouvrir. La consécration s'achève par les paroles mêmes de Jésus-Christ. « Seigneur, dit le prêtre en s'inclinant profondément, que l'hostie sainte vous soit agréable, comme les dons d'Abel le juste, comme le sacrifice d'Abraham, notre patriarche, comme celui de votre grand prêtre, Melchisédek. Nous vous supplions d'ordonner que ces dons soient portés à votre autel sublime, par les mains de votre ange, en présence de votre divine majesté. À ces mots, le mystère s'accomplit. L'agneau descend pour être immolé. Ô moment solennel, ce peuple prosterné, ce temple dont la mousse a couvert les portiques, ces vieux murs, son jour sombre et ses vitraux gothiques, cette lampe d'airain qui, dans l'Antiquité, symbole du soleil et de l'éternité, luit devant le Très-Haut, jour et nuit, suspendu. La majesté d'un Dieu parmi nous descendu, les pleurs, les vœux, l'encens qui monte vers l'autel, et de jeunes beautés qui, sous l'œil maternel, adoucissent encore par leur voix innocente de la religion la pompe attendrissante. Cet orgue qui se tait, ce silence pieux, l'invisible union de la terre et des cieux, tout en flamme, agrandi, émeut l'homme sensible. Il croit avoir franchi ce monde inaccessible, où, sur des harpes d'or, l'immortel séraphin, aux pieds de Jéhovah, chante l'hymne sans fin. Alors, de toutes parts, un Dieu se fait entendre. Il se cache aux savants, se révèle au cœur tendre. Il doit moins se prouver qu'il ne doit se sentir. Chapitre 7. La fête Dieu. Il n'en est pas des fêtes chrétiennes comme des cérémonies du paganisme. On n'y traîne pas en triomphe un bœuf Dieu, un bouc sacré. On n'est pas obligé, sous peine d'être mis en prison, d'adorer un chat ou un crocodile, et de se rouler ivre dans les rues en commettant toutes sortes d'abominations pour Vénus, Flore ou Bacchus. Dans nos solennités, tout est essentiellement moral. Si l'Église en a seulement banni les danses, c'est qu'elle sait combien de passions se cachent sous ce plaisir en apparence innocent. Le Dieu des chrétiens ne demande que les élans du cœur et les mouvements égaux d'une âme qui règlent le paisible concert des vertus. Et quelle est, par exemple, la solennité païenne qu'on peut opposer à la fête où nous célébrons le nom du Seigneur? Aussitôt que l'aurore a annoncé la fête du roi du monde, les maisons se couvrent de tapisseries de laine et de soie, les rues se jonchent de fleurs, et les cloches appellent au temple la troupe des fidèles. Le signal est donné, tout s'ébranle, et la pompe commence à défiler. On voit paraître d'abord les corps qui composent la société des peuples. Leurs épaules sont chargées de l'image des protecteurs de leur tribu, et quelquefois des reliques de ces hommes qui, nés dans une classe inférieure, ont mérité d'être adorés des rois par leurs vertus. Sublime leçon que la religion chrétienne a seule donnée à la terre. Après ces groupes populaires, on voit s'élever l'étendard de Jésus-Christ, qui n'est plus un signe de douleur, mais une marque de joie. À pas lents s'avance sur deux fils une longue suite de ces époux de la solitude, de ces enfants du torrent et du rocher, dont l'antique vêtement retrace à la mémoire d'autres mœurs et d'autres siècles. Le clergé séculier vient après ces solitaires. Quelquefois des prélats, revêtus de la pourpre romaine, prolongent encore la chaîne religieuse. Enfin, le pontife de la fête apparaît seul dans le lointain. Ses mains soutiennent la radieuse Eucharistie, qui se montre sous un dais à l'extrémité de la pompe, comme on voit quelquefois le soleil briller sous un nuage d'or au bout d'une avenue illuminée de ses feux. Cependant, des groupes d'adolescents marchent entre les rangs de la procession. Les uns présentent les corbeilles de fleurs, les autres les vases des parfums. Au signal répété par le maître des pompes, les choristes se retournent vers l'image du soleil éternel et font voler des roses effeuillées sur son passage. Des lévites, en tunique blanche, balancent l'encensoir devant le Très-Haut. Alors des chants s'élèvent le long des lignes saintes. Le bruit des cloches et le roulement des canons annoncent que le Tout-Puissant a franchi le seuil de son temple. Par intervalles, les voix et les instruments se taisent, et un silence aussi majestueux que celui des grandes mers, dans un jour de calme, règne parmi cette multitude recueillie. On n'entend plus que ses pas mesurés sur les pavés retentissants. Mais où va-t-il, ce Dieu redoutable, dont les puissances de la terre proclament ainsi la majesté? Il va se reposer sous des tentes de lin, sous des arches de feuillage, qui lui présentent, comme au jour de l'ancienne alliance, des temples innocents et des retraites champêtres. Les humbles de cœur, les pauvres, les enfants le précèdent. Les juges, les guerriers, les potentats le suivent. Il marche entre la simplicité et la grandeur. Comme, en ce mois qu'il a choisi pour sa fête, il se montre aux hommes entre la saison des fleurs et celle des foudres. Les fenêtres et les murs de la cité sont bordés d'habitants dont le cœur s'épanouit à cette fête du Dieu de la patrie. Le nouveau-né tend les bras au Jésus de la montagne, et le vieillard, penché vers la tombe, se sent tout à coup délivré de ses craintes. Il ne sait quelle assurance de vie le remplit de joie à la vue du Dieu vivant. Les solennités du christianisme sont coordonnées d'une manière admirable aux scènes de la nature. La fête du Créateur arrive au moment où la terre et le ciel déclarent sa puissance, où les bois et les champs fourmillent de générations nouvelles. Tout est uni par les plus doux liens. Il n'y a plus une seule plante veuve dans les campagnes. La chute des feuilles, au contraire, amène la fête des morts, pour l'homme qui tombe comme les feuilles des bois. Au printemps, l'Église déploie dans nos hameaux une autre pompe. La fête Dieu convient aux splendeurs des cours, les rogations aux naïvetés du village. L'homme rustique sent avec joie son âme s'ouvrir aux influences de la religion et sa glèbe aux rosées du ciel. Heureux celui qui portera des moissons utiles et dont le cœur humble s'inclinera sous ses propres vertus, comme le chaume sous le grain dont il est chargé.